Chers auditeurs, bonjour. Vous écoutez Historia Nancy. Qu'est-ce donc Historia ? C'est le journal par et pour les étudiants de Nancy. Je suis Thomas, fraîchement diplômé d'une licence d'histoire, et je suis accompagné aujourd'hui de Diane. Diane, comment vas-tu ? Ça va super, je suis trop contente de revenir. Merci Thomas. T'es content d'avoir eu ta licence ? Honoré, ravi. Bien joué. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de Anaïs. Anaïs, est-ce que tu vas bien ? Salut, oui, ça va très très très bien. Top. Et de Léo. Léo, quoi de neuf ? Eh ben, j'ai eu ma licence aussi, et ça va très bien. Eh ben, écoute, top. Avant de commencer cette émission, je vous propose tout de suite d'écouter une musique, Ta Reine, de Angèle. Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi le roi tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner. Moi je crois aux histoires qui peuvent parfois bien se terminer. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi le roi tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi le roi tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. C'était Ta Reine de Angèle. Ce mois de juin, il est marqué par de nombreux événements. D'abord, celui qui marquera sans doute les esprits nancéens, le festival Nancy Open Air. Anaïs, notre experte musicale, je crois que tu veux nous en parler. Exactement. En ce mois de juin, qui nous montre peu à peu du beau temps et en tant que chroniqueuse musicale, je me devais d'évoquer les futurs concerts prévus en open air aux Zénith du Grand Nancy. Vous verrez, il y en a pour tout le monde. Il faut savoir que l'amphithéâtre en plein air représente quand même 25 000 places, donc 18 000 places assises et 7 000 places debout. C'est quand même un chiffre important. Sur les 7 concerts prévus, cela représenterait environ 110 000 spectateurs. Après Taïk et Dadju qui ont formé un duo et Neige qui se sont produits ce samedi 8 juin, ayant mis une ambiance de dingue au Zénith, je peux vous le dire car j'y étais, nous allons retrouver le Heavy Weekend, des concerts de 3 jours avec des légendes du hard rock les 21, 22 et 23 juin avec Scorpion, Extreme, Deep Purple ou encore Alice Cooper pour en citer quelques-uns sur les 11 prévus. Ensuite, il y aura aussi IAM et MC Solar, les célèbres rappeurs se produiront le samedi 29 juin à 20h. Peu de temps après, ils laisseront place à Louane et Louise Attaque le samedi 13 juillet à 19h30. Le groupe et la chanteuse se produisent ensemble car ils ont sorti un titre commun nommé « La beauté d'être à part », un beau message à garder en tête. De quoi chanter, danser et passer un bon moment seul ou à plusieurs. N'oubliez pas, évidemment, la fête de la musique le 21 juin qui chaque année fait bouger nos rues et nous rassemble tous autour de ce bel art qu'est la musique. Nous allons donc tout de suite écouter Dadju et Taïk qui ont démarré l'open air de cette année avec leur titre commun « I love you ». Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un plus un fond de. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Non. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. Oh. I love, I love, I love, I love. Ça va me coûter oh. Quand j'aime le temps doit pas s'écouler oh. Et depuis que toi c'est moi, j'ai tout oublié du passé oh. Ma chérie, dis-moi où tu t'étais caché oh. Oh pourquoi j'ai mal, mal, pourquoi je suis blessé oh. J'ai demandé à Dieu de nous séparer, mais il ne veut pas m'exaucer oh. Oh c'est lui qui sait, et son plan est déjà calé oh. Donc si c'est pour toi, c'est avec la joie que je vais pleurer. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un puissant fondeur. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Alors, je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux. Oh baby, I love, I love, I love, I love. Même cherche à te fuir. Écoute ma poitrine, mon cœur a des choses à te dire. Allez, donne tes larmes, redonne tes cris. Tout ce qu'ils t'ont fait, on va oublier. Prends-moi cadeau, fais-moi oublier mon gourmand. Allez, prends-moi tout, garde-le pour toi. Et si le ciel me rappelle, c'est devant toi que je veux fermer les yeux. Oh baby, I love, I love, I love, I love. C'était I Love You de Dadju et Taïk et on parlait de musique à l'instant. Diane, tu voulais nous parler de l'influence de la littérature sur la musique. Bah oui, oui, du coup, comme tu le disais, c'est la fête de la musique, du coup, c'était l'occasion d'écrire sur ce thème-là, puisque bah, c'est toujours mes deux thèmes favoris. Hein. Donc la littérature, oui, c'est une source d'inspiration pour beaucoup d'artistes de tous les médias, peut-être aucun autant que pour les compositeurs. Donc on parle des œuvres impressionnistes, par exemple, de Claude Debussy, il y a les pièces influencées par le jazz de Maurice Ravel, je sais pas si vous connaissez. Tout à fait. Oui, oui, je connais. Ouais, ok, bon. Ça va, vous avez de la culture. Beaucoup des plus grands compositeurs français notamment, mais également autour du monde, ont puisé dans la tapisserie de la littérature française pour trouver de l'inspiration. Donc aujourd'hui, bon, vu qu'on n'a pas trois heures devant nous, on va se concentrer uniquement sur Debussy. Donc notamment l'auteur de la composition Clair de Lune que tout le monde a déjà entendu. Vous avez déjà entendu? Oui. Merci. Évidemment. Un excellent exemple de l'inspiration qu'a prodigué la littérature à Debussy, c'est notamment son célèbre opéra Péléès et Mélisande, qui a été inspiré du coup par la pièce éponyme de Maurice Maeterlinck. Donc c'est une histoire d'amour, de jalousie, qui s'accorde très bien avec le style impressionniste de Debussy. Il a également composé plusieurs pièces inspirées par la poésie de Paul Verlaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a déjà parlé de Paul Verlaine ici. Tout à fait. Auteur des poèmes saturniens, de la très célèbre chanson d'automne, qu'encore une fois tout le monde a déjà entendu. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone, bon ça va. Debussy s'est inspiré de Verlaine, notamment pour écrire Clair de Lune, dont on vient de parler. Et Prélude à l'après-midi d'un faune, qui est pour le coup moins connu mais non moins belle à écouter. Donc si vous avez quelques minutes, je ne saurais que trop vous recommander à la fois la poésie de Paul Verlaine et l'impressionniste musical de Debussy. Rien à voir avec Debussy, mais on va écouter Scarlet Pleasure avec What a Life. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping pills right now. Don't wanna worry about a thing, don't wanna worry. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm popping pills right now. Don't wanna worry about a thing, don't wanna worry. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life. Tout à l'heure, on parlait d'actualité. Léo, tu as prévu d'aborder l'actualité du catch. Dis-nous tout. Alors, je ne sais pas si vous suivez l'actualité de WWE. Un petit peu. Un peu ? Absolument pas. D'accord. Du coup, vous avez sans doute remarqué qu'en ce milieu d'année 2024, il y a une grande quantité de catcheurs qui sont en fin de contrat. Il y a beaucoup de catcheurs qui n'ont pas renouvelé leur contrat. Et donc, en fait, il faut revenir en 2019, quand il y a eu... La compagnie rivale de la WWE, donc l'AEW, qui a signé beaucoup de stars de la WWE dans la compagnie. Et du coup, la WWE a décidé de protéger ses catcheurs en proposant des contrats de 5 ans au lieu des 3 ans habituels. Et donc, c'est à cause de cette durée-là, donc si on fait 2019 plus 5, ça fait bien 2024, que la plupart des catcheurs, ils sont sur le point de devenir des agents libres. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans n'importe quelle compagnie sans avoir de problème avec la WWE. Maintenant, il y a il y a de fort à parier que ce soit une affaire de quelques jours, puisque c'est quand même des grandes stars qui sont concernées. Il y aura sans doute d'autres accords qui sont trouvés entre les catcheurs et la compagnie. Maintenant, si on ajoute à ça la période Covid qui a complètement chamboulé l'industrie du catch avec des spectacles sans public, il y a aussi eu plusieurs vagues de licenciements qui ont touché la WWE ces dernières années, ou encore il y a eu le changement de la direction, la compagnie a fusionné avec l'UFC pour former le groupe TKO. Et donc ces dernières années, elles n'ont pas forcément été très favorables pour la WWE, mais elles semblent se trouver un chemin pour sortir de ces situations difficiles. Donc maintenant, une fois n'est pas coutume, on va écouter une musique d'Alter Bridge, à savoir Metalingus. Defeated and blind. C'était Metalingus d'Alter Bridge. Et si après toutes ces actualités, pardon, partaient dans le passé. Hier, je me suis rendu à Bruxelles et au coin d'une rue se trouvait une galerie privée d'un docteur belge. Sa collection regorgeait d'objets érotiques et pornographiques en tout genre. Des automates, des dessins, des photos, des statues. Et parmi toutes les petites statuettes en ivoire, une a retenu mon attention. Le héros Hercule était représenté nu et son sexe était tenu par un autre homme, lui aussi nu. Je me suis interrogé sur la sexualité d'un tel personnage. Alors, en ce mois des fiertés, si on parlait un peu de bisexualité. La bisexualité, c'est le fait d'être attiré à la fois par des hommes et par des femmes. Parmi les nombreux compagnons d'Hercule, on peut citer Déjanière, bien sûr, femme à laquelle il a été marié, mais aussi et surtout Hylas, Iolaos ou encore Eurysthée, tous trois des hommes. À l'époque d'Hercule, les orgies elles étaient fortement développées et donc c'était fréquent d'avoir des liaisons avec des personnes du même sexe. Il y a énormément de peintres qui représentent Hercule en laissant nu des femmes mais aussi des hommes. Les artistes ils ont toujours utilisé Hercule comme représentant d'une sexualité libérée. C'était le cas de cette statuette en ivoire, numéro 44 dans la 6e vitrine de la galerie. L'auteur et journaliste suisse Michel Rim, qui se décrit comme 70% hétérosexuel et 30% gay, écrit au sujet du célèbre héros grec « Peut-on se donner à des hommes, à des femmes, sans trahir personne ?» J'ai choisi de vous faire écouter une musique qui, à mon sens, accompagne cet extrait, « Brisé » de Maître Gims. J'ai dû disparaître. Des fois je t'aime, des fois je te hais. Pour ne pas dire que j'ai tout donné, j'ai donné tout autant que toi. Tes larmes coulent sur mes épaules. J'ai tout compris sans dire un mot. Ne monte plus les gens contre moi. C'est difficile de voir dans le noir. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres quand tu mens. Tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore facilement. Encore et encore. Vois-tu comment le diable est habile, la vérité te déshabille. Rendez-vous dans une autre vie. Te souviens-tu d'être entré chez moi? T'as pu voir le cocon familial. T'avais pas le droit de me faire tant de mal. Je vais devoir éteindre les flammes par les flammes. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres quand tu mens. Tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore facilement. Encore et encore facilement. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance, aveuglé de ma confiance. Et tu m'as fait du tort. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. J'essaie d'y croire. Je me vois sûrement la face. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance, aveuglé de ma confiance. Et tu m'as fait du tort. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Brisé projet de Maître Gims n'en déplaise à certains, certainement l'une de ses meilleures. C'est déjà la fin de cette émission Historia Nancy, l'émission par et pour les étudiants de Nancy. On espère, chers auditeurs, que tout ça vous a plu. On vous dit rendez-vous dans un mois pour la prochaine émission, et puis bonne journée à tous.